Merci. Qu'on faisait tant. Je me souviens plus. Je refais une autre. Je refais une autre.

1. Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Jolie des enfants, son bel amour, le prince charmant, la France sur son cheval blanc. Il oublie le temps, on se paie d'argent pour ne pas voir que nouveau jour se lève. On ferme les yeux et dans ses rêves par nous. Jolie petite histoire. Jolie petite histoire. C'est vrai pour ses 20 ans. Et la plus jolie des enfants. Son bel amant le prince charmant. La France sur son cheval blanc. N'oublie le temps. On se parle d'argent. Ne pas voir qu'un nouveau jour se lève. Ne pas voir qu'un nouveau jour se lève. Elle ferme les yeux et dans ses rêves part. Son petite histoire. Et deuxième. Cendrillon pour ses 30 ans. Et la plus triste des mamans. Un charmant à côté du cœur. Avec la belle. Trop fort, c'est pas grave. changer de son de guitare. Je change de guitare. Je cherche qui, il y a les box, assez box. Celui-là. C'est le chorus Langer qui fait faux, fait le son faux là. D'ailleurs, si j'enlève, ça va. Changer de guitare. On remet un petit truc là.